franceinter.fr. Marins de toutes les mers, aviateurs de tous les ciels, artilleurs, fantassins, cavaliers de tous les pays, tués par la guerre, je vous appelle. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Les détroits, le sursaut ottoman. Est-ce que les Australiens se battent déjà? En Turquie. Turquie? Pourquoi ça? Les Turcs et les Allemands sont alliés. En 1915, l'objectif de l'entente était de prendre la zone des détroits, zone hautement stratégique, et Istanbul. À cet effet, des Australiens et des Néo-Zélandais furent versés par dizaines de milliers dans le chaudron, en plus des Anglais et des Français, qui s'étaient eux-mêmes adjoints, des tirailleurs sénégalais. En face, les Ottomans étaient prêts à sacrifier toutes les vies qu'il fallait pour conserver leur dernier lambeau d'Europe. La guerre avait mal commencé pour les Ottomans. Elle se terminera encore plus mal. Néanmoins, entre-temps, ils connaîtront aussi des sursauts. En 1915, donc aux Dardanelles, sur le front arabe, plus d'une fois. En 1917, par exemple, face aux Russes qui cessent le combat. Au total, le bilan donne pourtant le vertige. Du côté des soldats, peut-être 800 000 morts, 25% de pertes et la fin d'un modèle impérial vieux de plus d'un demi-millénaire qui avait donné naissance à tout un monde religieux, politique, culturel et que va remplacer un État national strictement turc, lequel aussi aura éliminé ses ennemis de l'intérieur. Les civils arméniens, hélas engloutis dans cette fracture définitive, sont bien plus nombreux à mourir encore que les soldats. François Georgeon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un de nos grands connaisseurs, ils ne sont pas si nombreux. En France, de l'histoire ottomane, vous préparez d'ailleurs chez Fayard, on l'attend avec impatience, dans peu de mois, un monumental volume de 1800 pages, un dictionnaire de l'Empire ottoman. On va commencer, si vous le voulez bien, en 1900. D'accord. Il y a là un vieux sultan, Abdulhamid II, prudent et despotique. Et il en est déjà à sa 25e année de règne. Il essaye de maintenir debout un empire harassé. C'est un empire par l'histoire, par le nom, par la taille. Et en même temps, c'est déjà le jouet depuis longtemps des vraies dynamiques impérialistes modernes de l'époque. Oui, c'est un empire qui est menacé. Il est menacé de l'intérieur par les nationalismes des communautés chrétiennes, notamment dans les Balkans, mais également en Asie mineure et dans les provinces arabes. Et puis, il est menacé par les impérialismes. Il est menacé par les impérialismes anglais, français, russes, autrichiens. Ce sont les quatre grandes puissances qui sont les plus impliquées dans la question d'Orient, ce qu'on appelle la question d'Orient, c'est-à-dire la question que pose cet empire qui est affaibli, disons, depuis la fin du XVIIIe siècle. C'est un impérialisme qui est caractère divers, c'est-à-dire il a été politique, il y a eu des occupations de territoires, la France a occupé l'Algérie, elle a commencé, et puis ensuite il y a eu la Tunisie, l'Égypte, il y a eu des territoires du côté du Caucase qui ont été perdus au profit des Russes. C'est un impérialisme économique aussi, une grande partie des finances de l'Empire est aux mains de ces grandes puissances, ou pratiquement, et c'est un empire qui s'endette, qui a besoin des grandes puissances, et en même temps qui en a peur, bien sûr. Le vieil empereur là, qui règne depuis son palais comme depuis une toile d'araignée, l'araignée. Ce vieil empereur, est-ce qu'il y a encore chez lui un projet ottoman? L'idée qu'il y aurait une sorte de nationalité ottomane pour tous les sujets du nord au sud de l'Empire. Ou est-ce que c'est un projet musulman? Parce qu'il se présente comme le calife aussi. Alors, il y a eu un projet ottoman avant lui. C'était celui de l'époque des réformes. Donc, on a espéré créer à partir de toutes les communautés de l'Empire une nation. Ça a échoué et il a pris, lui, quand il est arrivé au pouvoir en 1876, il a pris, disons, la leçon, si vous voulez, que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Alors, il est encore ottoman, c'est-à-dire il espère sauver l'Empire ottoman, le territoire ottoman, mais en même temps, il ne croit plus, disons, à la possibilité de fusion de tous les aimants de l'Empire. Et donc, il imagine un Empire ottoman, mais qui serait appuyé davantage sur les populations musulmanes de l'Empire. C'est-à-dire non seulement les Turcs, mais les Arabes, les Albanais, etc., les Kurdes. Et par conséquent, un môle, si vous voulez, musulman, mais l'Empire est quand même, reste ottoman dans sa configuration essentielle. Dans son palais où il lit la nuit des romans policiers et puis aussi les rapports de police très nombreux qui lui parviennent, il ne voit quand même pas venir le mouvement constitutionnaliste, la révolution qui va le renverser en 1908. Il n'y aura plus ensuite que des Sultan Solivo. On est ici devant un cliché pris par le film franco-turc de Ferzen Özpetek. Signez la Constitution, Majesté, et tout pourra continuer comme auparavant. À l'aube, le sultan avait signé le texte de la Constitution. Et pendant 8 mois encore, il sembla que rien n'avait vraiment changé. En vertu de la nouvelle loi de l'Assemblée, le harem doit définitivement fermer. Vous allez donc pouvoir rejoindre vos familles. Et il fallait que vous rentriez pour nous faire part de ça? Nous vous apportons la liberté, madame. Depuis que Sa Majesté est partie, nous sommes complètement livrés à nous-mêmes. Justement, l'Assemblée a décidé de vous rendre à vos familles, dans votre intérêt. Et celles qui n'ont pas de parents? Nous ferons au mieux, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes plus des prisonnières ici. Aussi longtemps que nous vivrons là, aucun étranger ne pourra pénétrer dans cette pièce. C'est la loi, madame. La loi peut attendre derrière la porte. Tout le monde dehors. Trouvez une personne qui puisse nous donner les renseignements nécessaires, madame. Nous ferons tout ce que les lois de l'Assemblée exigent. Alors, en fait, de lois de l'Assemblée, de Constitution, il y a eu, bien sûr, une petite période que vous nommez, François Georgeon, d'ivresse de la liberté ou des libertés, mais assez vite, 1913, on court à la catastrophe, là, on approche de la Première Guerre, prise de pouvoir par un groupe, celui des Jeunes Turcs. Les Jeunes Turcs, en effet, ce sont eux qui ont fait la révolution de 1908. Ils ont apporté une certaine libéralisation dans un empire qui avait toujours connu un système très, assez autocratique. Ça n'a pas duré. Et en particulier, le pouvoir qui est en place s'est heurté à nouveau à l'impérialisme dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire les Italiens tripolitaines, et puis ensuite au nationalisme avec les guerres balkaniques qui éclatent en 1912. Et devant les dangers d'effondrement de l'Empire, certains jeunes Turcs organisent un coup d'État en janvier 1913, et se mettent en place à partir de ce moment-là un pouvoir fort, autoritaire. On l'a appelé parfois le triumvirat parce qu'ils sont trois, Enver Pacha, Talat Pacha et Cemal Pacha. Et c'est ce régime qui va diriger l'Empire, en fait, jusqu'en 1918, jusqu'à la défaite de 1918. Régime, ce groupe, ce parti, cette coterie, ce trio va prendre le risque de se mettre le doigt dans l'engrenage de la Grande Guerre, alors qu'il y a eu l'expérience des guerres balkaniques que vous évoquiez, 12-13, ça a été terrible. Déplacement de population, massacre de civils, brutalisation déjà. Et puis qu'on sait, la guerre ne va commencer vraiment qu'en novembre 14. Qu'on sait depuis août 14 que le coût du conflit est terrible. Il peut y avoir des dizaines de milliers de morts en une journée. Et le groupe, Enver Pacha en particulier, fait quand même le choix de la guerre. Ils font le choix de la guerre parce qu'ils pensent qu'elle est inévitable. L'Empire ottoman est trop imbriqué dans la politique européenne à cette époque-là. Et ils pensent qu'il vaut mieux s'associer avec l'un des côtés, c'est-à-dire la triplice ou bien la triple entente, de façon à avoir une sorte de garantie qu'offrirait cette coalition. Maintenant, ils pensent que la guerre va être courte. Ils pensent que, comme tout le monde, si vous voulez, comme tous les états-majors aussi à cette époque-là, et qu'ils vont profiter de la victoire de leur allié, c'est-à-dire l'Allemagne, puisqu'ils signent un traité secret d'alliance avec l'Allemagne le 2 août, qu'ils vont profiter, ils espèrent, ils comptent sur la victoire de l'Allemagne, ils pensent que la guerre va être très brève, et ils vont essayer de retarder au maximum leur entrée en guerre, parce que l'Empire n'est pas prêt. En fait, il y a aussi une autre idée par derrière, c'est-à-dire, en fait, le choix est soit la neutralité, soit du côté de l'Allemagne, mais du côté de l'Entente, les offres qu'ils ont pu faire à la France et à l'Angleterre n'ont pas été retenues, si vous voulez. Et donc, ils sont du côté de l'Allemagne à partir de la fin juillet, début août 1914. Mais c'est le choix d'un modèle allemand, plus généralement qu'un choix conjoncturel. C'est d'ailleurs l'Allemagne qui forme l'armée turque depuis longtemps. Ce n'est pas parce que, effectivement, depuis plusieurs décennies, l'Allemagne a pris une place importante dans l'armée, si vous voulez, dans la réforme de l'armée. C'est sans doute pas pour ça uniquement, mais il faut rappeler, par exemple, que la flotte ottomane est commandée par un amiral britannique jusqu'au mois d'août. Et ça, c'est important. Donc, c'est pas forcément. Ils ne sont pas germanophiles en réalité. Ce sont des nationalistes. Et ils pensent en termes de défense de l'Empire ottoman. Qui pourra le mieux nous aider à défendre l'Empire ? Et leur calcul, c'est que c'est l'Allemagne qui, vous savez, n'avait pas beaucoup d'intérêt économique ou financier dans l'Empire. Et contrairement, disons, aux Français en Syrie, aux Anglais en Mésopotamie, aux Russes, bien sûr, dans le Caucase et dans les Balkans. Alors, plusieurs fronts vont naître aussitôt, et puis d'autres peuvent surgir. Alors, le front russe, c'est une défaite terrible tout de suite. La guerre, en effet, commence mal pour les Ottomans et va s'enclencher le mécanisme qui va amener le génocide des Arméniens. Le front arabe, c'est un échec au départ. On n'arrive pas à passer le canal de Suez pour rejoindre l'Égypte sous contrôle britannique. Et voilà que surgit la question des détroits dans l'esprit fertile des alliés, notamment de Churchill. Début oui. 1915. Voilà, c'est Churchill, effectivement, qui était le premier lord de l'amirauté, qui a convaincu les Anglais et ensuite les Français de mener cette opération contre les détroits. C'était quelque chose qui avait été prévu, en fait, de longue date et qui est mis en route avec un certain nombre de difficultés et qui va, l'idée, si vous voulez, l'idée est qu'il faut soulager les Russes, il faut soulager le front russe. Et une manière de le soulager, c'est d'ouvrir le passage vers la Russie, vers la mer Noire, de façon à pouvoir ravitailler l'armée russe et la renforcer. Parce que s'il est vrai qu'elle a eu des succès au Caucase, ce n'est pas tellement vrai sur le front européen. Voilà le problème. Alors l'opération maritime... C'est comme ça que l'affaire commence. En février-mars 1915, échoue pour les navires anglais et français du fait de l'artillerie côtière, des barrages de mines déposés par les Ottomans. Et on va imaginer, toujours l'imagination fertile des alliés, une opération terrestre. À quoi Joffre, sur le front ouest, dit « Mais on n'a pas de troupes à vous envoyer ». Alors, on va rassembler, de manière un peu hétéroclite, deux divisions britanniques, dont une faite de marins reconvertis, une division française avec des tirailleurs sénégalais et une division ennemie venue d'Australie et de Nouvelle-Zélande. C'est l'arrivée dans l'histoire mondiale du cinquième continent. Est-ce que les Australiens se battent déjà ? En Turquie. Turquie ? Pourquoi ça ? Les Turcs et les Allemands sont alliés. Les hommes pour la cavalerie légère, par ici ! Si vous pensez que vous êtes capable de monter à cheval, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ils se sont engagés dans une affaire qui n'était pas celle qu'ils pensaient trouver. Les combats à la manière d'autrefois, les lignes de bataille... Alors qu'on les a enterrés dans des tranchées, aussitôt arrivés. L'Empire britannique a besoin de vous, votre pays a besoin de vous, et vos camarades aussi ont besoin de vous. Venez participer à la plus formidable aventure de notre temps. Vous pensez, ces Australiens qui venaient de l'autre bout de la terre, là, ce qu'ils pouvaient éprouver, ils ont cru à une aventure. Le témoignage d'un ancien combattant français, Monsieur Trippet, puis les extraits du film australien de Peter Weir, consacré à Gallipoli, c'est le nom de la péninsule où va avoir lieu le débarquement. C'est un des premiers grands rôles de Mel Gibson. Ça doit être d'ailleurs assez étonnant, vous qui fréquentez beaucoup la région, François Georgeon, la présence du souvenir australien et néo-zélandais dans la terre turque d'aujourd'hui, non ? Oui, en fait, ça a été très important pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Thaïlande, cette guerre, et elle est commémorée chaque année, c'est-à-dire chaque année, ce qu'on appelle les Anzac, c'est-à-dire les Australiens et les Néo-Zélandais, viennent commémorer l'anniversaire du débarquement du 25 avril. Donc chaque 25 avril, il y a sur place des cérémonies en rapport avec leur participation à cette guerre. Et apparemment, ça a joué dans la constitution de la nation, dans l'idée nationale australienne et peut-être néo-zélandaise également, un rôle important, cette participation à une guerre qui était en principe très éloignée de leur continent. Vous me direz que samedi dernier, les All Blacks sont venus ranimer la flamme sous l'Arc de Triomphe et ça s'est passé tout à fait bien, sans aucune protestation et sous les applaudissements. Il faut quand même rappeler qu'il y avait des Français aussi qui allaient débarquer à Gallipoli, des vieux de la vieille comme Gabin. Et faites aux escargots, je n'ai raté que 5 dans ma vie. Les années 14, 15, 16, 17, 18, quand c'était que ça que j'étais aux Dardanelles, et puis qu'aux Dardanelles, il n'y avait pas d'escargot. Je suis allé plus loin que Verdun, et la Somme, moi, j'ai pas fait une guerre de feignants. Hein? Qui a fait une guerre de feignants? Vous avez insulté ce compagnie sous les obus, pendant que d'autres faisaient danser les bouquets. Très vague! Vous avez tout de même point comparé vos bambous à mes turquins. Les bambous! Les bergers ont des deux bandes de terre en bouquet. By the hero flag which never lag, have fought and served it well. From brave begin with plunging steel, they quickly got to work. In hearty kids they did their bit, and soon were among the herd. Boys of the Dardanelles, they faced the dust and fell. Boys of the Dardanelles. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Voilà les Détroits, nous sommes avec François Georgeon, grand connaisseur de l'histoire ottomane. On attend chez Fayard bientôt son dictionnaire de l'Empire ottoman. Nous sommes dans les Détroits en avril 1915. Des hommes des quatre continents sont là, face à face. Des Néo-Zélandais, des Australiens, des tirailleurs sénégalais à côté des Français. On a entendu une chanson anglaise, les Boys des Dardanelles, tirée de la précieuse collection Première Guerre mondiale de Jacques Bernard. Alors, vous nous parliez de la région. Pouvez-vous nous décrire, pour l'avoir arpentée pacifiquement, François Georgeon, la péninsule de Gallipoli? Alors, la péninsule de Gallipoli, c'est une langue de terre qui longe le détroit des Dardanelles côté de la mer Égée, si vous voulez, du côté européen, puisque les détroits séparent deux continents. Et c'est un terrain très ingrat et très difficile en réalité militairement, parce que ce sont des collines abruptes qui descendent sur la mer. D'autre part, la végétation est assez dense et si le terrain est assez rocailleux. Je crois que une des causes de l'échec des Alliés, de l'échec de ce débarquement qui a été extrêmement coûteux en hommes, c'est aussi que les Alliés avaient sous-estimé les Ottomans. Et ça, c'est un problème général, si vous voulez, qui dure depuis très longtemps. C'est-à-dire, bon, il est vrai que les Ottomans venaient de perdre ces guerres balkaniques, si vous voulez, mais pour toute autre raison. Et ils ont sous-estimé la capacité de résistance de l'armée ottomane qui avait été modernisé effectivement par les Allemands et par une mission allemande qui était arrivée au début de 1914 sous la conduite du général Liman von Sanders. Alors le général est là, mais il y a aussi un colonel fameux chez les Ottomans qui anime cette résistance dont vous parlez. Ah, vous allez entendre avant que sa voix ne soit reconstituée par la tribune de l'histoire de France Inter, le témoignage de Pierre Liotet, le neveu du maréchal, lui, il conçoit une certaine estime pour Mustapha Kemal, dont le parcours tel qu'il le retrace n'est pas sans rappeler celui de ses prédécesseurs jeunes turcs. Un peu contre ses parents, il est entré à l'école de Monastir, et tout de suite, il a été un lettré. Il a fondé un journal à 15 ans, qui s'appelait Liberté. Il a créé un groupement d'officiels. Il s'est révélé comme un chef de caractère. Laissez-les venir jusqu'à mi-pente. Restez calme. Vous repousserez les Britanniques. Pourquoi ? D'abord parce que vous êtes chez vous. Ensuite parce que vous tirez aussi bien qu'eux. Mais aussi parce que vous possédez la sobriété du chameau. Souvenez-vous qu'un combat s'emporte dès les premiers engagements. Laissez l'ennemi parvenir à mi-hauteur des crêtes et à mon commandement, vous appuyez sur la détente, jamais trop longtemps. Un bon soldat doit savoir maîtriser son feu. Quand je dégainerai mon sabre et à mon coup de revolver, vous dépasserez leur mitrailleuse. Prenez garde, ni trop tôt, ni trop tard. Juste à mon commandement. Vous n'avez pas mangé grand-chose, mais dites-vous bien que ceux d'en face ont le ventre encore plus creux. Il sera facile de le percer. Ce ne sera point le dernier effort, mais de celui-ci dépend la réussite des autres. Prêt ? À la baïonnette. Kemal, le sang-froid et le langage qu'il faut tenir en la circonstance. François Georgeon. Il est certain que la bataille de Gallipoli a joué un rôle très important dans sa carrière. C'est un colonel, jusqu'à présent, qui a fait un certain nombre de terrains. C'est-à-dire que l'Empire ottoman n'a pas manqué de guerre, si vous voulez, pour le perfectionnement de ses officiers. Et donc, c'est vrai, bon, il y a un côté un petit peu légendaire qui a été créé après, mais c'est vrai qu'il a été parmi ceux des officiers ottomans qui se sont particulièrement distingués sur ce champ de bataille. Il faut rappeler aussi que les Turcs sont chez eux, si vous voulez, alors que les Australiens sont un peu loin de la patrie, et les Français et les Anglais aussi, ils sont en terre étrangère, alors que les Turcs défendent non seulement leur pays, mais ils défendent leur capitale aussi. C'est l'ouverture, si jamais les alliés passent les Dardanelles, c'est Istanbul qui tombe, si vous voulez, et c'est la capitale de l'Empire. Depuis 1453, aucune puissance étrangère n'a mis les pieds à Istanbul, et donc l'enjeu est capital, si vous voulez, et c'est ce qui explique certainement l'extrême force de résistance de ces soldats, qui se sont d'ailleurs enterrés dans des tranchées, et qui ont pu résister donc au débarquement des alliés. Guerre globale, c'est pas seulement parce qu'il y a des gens de tous les continents qui interviennent sur un point précis du globe comme celui-ci, c'est aussi qu'on voit un peu les mêmes traits se dessiner mois après mois dans tous les pays belligérants. Et alors, en Turquie, c'est comme ailleurs, l'idée que les Turcs sont supérieurs aux autres, avec quand même la différence que cette même année 1915, les génocides, les Arméniens feront l'expérience cruelle du génocide. C'est l'organisation de la mobilisation de la population à l'arrière. Ça, vous insistez beaucoup là-dessus. Oui. En fait, pour les Turcs, la première guerre mondiale, la première guerre totale, ce sont les guerres balkaniques. Et c'est là qu'ils ont vu, en 1912-1913, c'est là qu'on a constaté l'engagement des civils. Parce que c'est une guerre qui a frappé les civils et pour laquelle il a fallu aussi une mobilisation à l'arrière. Et ils ont retenu la leçon et dès l'entrée de l'Empire ottoman en guerre, c'est-à-dire en novembre 1914, il y a tout un effort de propagande extrêmement fort qui est mené sur l'arrière, si vous voulez, pour mobiliser hommes et femmes dans l'effort de guerre qui va venir. Il y a des réquisitions extrêmement fortes et par conséquent, c'est toute une nation en fait qui est en guerre, si on peut parler d'une nation turque à ce moment-là. Bah de plus en plus, on est passé maintenant de l'ottomanisme au nationalisme turc. Vous dites hommes et femmes. Alors quand on vous lit, François Georgeon, on est très surpris de voir que le statut de la femme a beaucoup évolué pendant la Première Guerre mondiale. Alors, effectivement, l'émancipation de la femme, qui a commencé déjà depuis la fin du XIXe siècle, mais qui a touché surtout des milieux cultivés, de la capitale et des grandes villes de l'Empire. Avec les guerres, peu à peu, ce mouvement d'émancipation s'élargit dans la société ottomane et s'élargit notamment donc aux classes populaires. Et les femmes sont appelées notamment à remplacer les hommes qui sont partis au front. La mobilisation a été considérable et on les voit travailler dans des entreprises comme par exemple les compagnies du téléphone. Et les classes populaires voient leurs femmes vaquer le visage de plus en plus découvert. Et c'est de cette époque-là que date l'introduction du divorce ? Oui, en 1917, non pas l'introduction du divorce, mais qui devient plus facile pour les femmes de divorcer. Avec un nouveau code de la famille. Les jeunes Turcs profitent aussi de cette guerre pour moderniser l'Empire. C'est un peu paradoxal parce qu'en même temps, ils mobilisent au nom de l'islam, mais en même temps, ils sécularisent davantage, disons, la législation. Les Alliés avaient-ils conscience de tout cela, de cette résistance intérieure ? En tout cas, en octobre, ils ne trouvent plus d'autre solution que de rembarquer nuitamment et le plus discrètement possible une scène du film Les Cavaliers de l'Orage. Paul Roger, tiens. 1906. Je le gardais pour la victoire. Mon colonel, une retraite réussie peut être une action d'éclat. Blo, j'ai pour habitude d'appeler un chat un chat. Ma seule consolation, c'est d'imaginer demain matin leur gueule devant nos tranchées vides. À la barbe des Turcs. Adjudant Roth. Première escouade, 4e bataillon. Et la 4e escouade ? Elle devrait suivre, mon lieutenant. Embarqué. Tout va ? J'attends la dernière escouade, mon colonel. Parfait, ne traînez pas. Qu'est-ce qu'elle fiche, cette 4e escouade ? Ils vont arriver, mon capitaine. Dans une demi-heure, on y verra comme en plein jour. Et dans 2 heures, les Turcs verront que nous ne sommes plus qu'une poignée, ce sera un massacre. Crever pour une poignée d'imbéciles, non merci. Et pourtant, nous ne pouvons pas les abandonner. Alors qu'est-ce qu'on fait, hein ? Et toi, le colonel a embarqué ? Ça fait un moment. Il n'y a plus que nous et les chevaux. Non, on n'embarque pas les chevaux. On n'a pas le temps. Et n'oubliez pas ma malle, Jason. On n'embarque pas les chevaux et on jette à la mer les canons, les mitrailleuses, les autos, les motos. Les détroits ont tenu. Oui. Et vous, vous tenez à cette leçon, François Georgeon. Elle est très importante puisque, en réalité, si la Turquie, aujourd'hui, a la maîtrise des détroits, c'est en grande partie grâce à cette victoire de Gallipoli, qu'on appelle en turc Çanakkale, qui est d'ailleurs extrêmement célébrée en Turquie depuis quelques années, particulièrement. Et ça ne s'est pas fait d'un seul coup, il y a eu un certain nombre de régimes. C'est depuis 1936, c'est la convention de Montreux, qui a rendu les Turcs entièrement maîtres des détroits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, toute la navigation se fait sous leur contrôle, elle est libre commercialement, mais par contre, elle est restreinte sur le plan militaire. Les détroits sont aujourd'hui une voie absolument capitale de navigation, comme d'ailleurs avant, mais surtout de plus en plus encombrée, du fait en particulier des exportations russes de pétrole. Et on voit le long du Bosphore d'immenses tankers qui se frayent un peu péniblement le chemin au milieu de toutes sortes de bateaux qui occupent le détroit du Bosphore. Alors que le gouvernement actuel célèbre Gallipoli, on n'en est pas étonné. Rappelons quand même une cérémonie funèbre, celle de 1917, l'enterrement d'Abdulhamid II, qui vivait encore en résidence surveillée, qui a été suivi par une foule extrêmement nombreuse, silencieuse, qui enterrait avec lui le modèle ottoman. La Turquie n'a plus après été qu'un État national, mais vous me direz que c'était le moteur et le but de la Première Guerre mondiale. Merci à vous, votre dictionnaire de l'Empire ottoman et d'autres publications, c'est chez Fayard. Le dictionnaire est à venir. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec Ilinka Negulesco, Martin Cellier, Frédéric Martin. Remerciements à Jacques Bernard et à la discothèque de Radio France, à Nathalie Roux-Villain.